tout de suite sur France Culture du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marivonne Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient feuilleton. Cette semaine, on rediffuse « Après la mort de Castro, raconter l'histoire de Cuba », un documentaire d'Alexandre Hérault réalisé par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a la mort de Fidel Castro, qu'on avait fini par croire éternelle après avoir vu passer 11 présidents américains. Et après ça, l'envie de sonder les mémoires cubaines pour faire l'inventaire des espoirs et des désillusions entre fierté des acquis et haine de la répression. Et puis il y a aussi la féroce nostalgie de ceux qui sont partis et cet horizon de l'autre côté de la mer à Miami qui attire ou révulse ceux qui sont restés. En tous les cas, on en revient toujours à Castro et l'histoire de la Révolution s'écrit aussi dans les mémoires de ceux qui sont partis. Pour commencer, les personnages. Un ancien commandante, compagnon de route de la première heure de Fidel et du Che, aux illusions perdues. Un poète, ancien prisonnier politique. Un petit-fils d'une figure de la nation. Un neveu américain de la première femme de Fidel. Un ancien de la baie des cochons qui attend son heure. Et le fils d'un partisan de Batista, nostalgique d'un temps qu'il n'a pas connu. Ensuite le décor, la petite Havane, parcelle cubaine de Miami, l'amertume de ceux qui attendent la fin d'un mensonge, des rêves saccagés, des mythes que l'on piétine, des histoires que l'on refait et quelques trahisons. Aujourd'hui, deuxième épisode, on est à Miami et à l'époque, Fidel renonçait au pouvoir. Les Cubains et avec eux le monde entier l'ont appris par un communiqué lu à la télévision nationale par son secrétaire particulier. Fidel Castro renonce provisoirement, assure-t-il, au pouvoir. Je délègue provisoirement mes pouvoirs de premier secrétaire du Parti communiste cubain à Raúl Castro Cruz. Après presque un demi-siècle de règne sans partage, le leader Maximo passe donc la main. Pour raison de santé, le dirigeant cubain, qui fêtera ses 80 ans dans quelques jours, doit subir une opération chirurgicale. À La Havane, les rues sont restées calmes. Pas d'émotion particulière selon les journalistes sur place, pas non plus de renforcement visible des forces de l'ordre. À Miami, bastion des exilés cubains, des milliers d'entre eux ont manifesté leur joie. Celui qui a résisté à 10 présidents américains, celui qui nargue les États-Unis depuis 48 ans, arrive au bout de son règne. Vous aviez fini par quoi au fil de toutes ces années, comme beaucoup sur l'île, et comme peut-être aussi certains ici, que votre père était immortel ? Alina Fernandez. Non, je n'ai jamais pensé à ça. Je vois ma mère, je vois mon père, j'ai vu ma grand-mère mourir et je suis dans un âge où on commence à se poser des questions aussi. Donc, il n'y a pas d'immortalité. Et peut-être s'il y avait l'immortalité, les gens seraient un peu plus responsables. Lui, en tout cas, avait fini par dire, même si il n'évoquait que très rarement publiquement l'idée de sa mort, je vais mourir un jour, mais la révolution me survivra. Ça, vous avez envie de lui répondre quoi depuis Miami ? Non, je pense que pas pour longtemps, parce que la révolution, premièrement, est personnalisée en lui. Et la seconde raison, c'est qu'on ne peut pas marcher en arrière dans l'évolution sociopolitique du planète, non ? Et puis on était le second pays d'Amérique latine en 1956-59, pourquoi va-t-on être une pièce archéologique, non ? Dans la mer des Caraïbes, ça ne tiendra pas. Il y a dans les médias en général une sympathie pour le régime de Cuba. Enfin, c'est le seul prétexte de la gauche qui reste pour défendre ce qui se disait communisme, mais ce qui est passé à être du socialisme. C'est une petite île qui est devenue un étendard idéologique pour la gauche et les gens ne veulent pas se rendre compte que ça a toujours été une dictature militaire. Cuba, une révolution confisquée par Alexandre Hérault et Jean-Philippe Navarre. Ce vieux chinois est un vétéran des combats de la Sierra Madre. Le maquis fidéliste. Pour assurer le triomphe du marxisme-léninisme en Amérique latine, Castro aurait-il fait de son pays un gigantesque arsenal, un immense laboratoire de guerre psychologique? Les envoyés spéciaux de ce reportage de 7 jours du monde diffusé par l'ORTF en mai 63 ne s'y étaient pas trompés. 4 ans après ses débuts, qu'on disait romantique, la révolution pilotée par le jeune Fidel Castro à la barbe garnie montrait son vrai visage à ceux qui voulaient bien l'observer de près. L'île était bien devenue cet étrange laboratoire de guerre psychologique où tout un chacun était formé pour traquer ses ennemis présents à l'intérieur, sur les montagnes de l'Escambray principalement, comme à l'extérieur, en face, à Miami, où ceux qui avaient fui le pouvoir castriste étaient surnommés les vers de terre, les gusanos, ceux-là même pour qui ce vieux chinois francophone réclamait sous l'objectif de la caméra de la télédiffusion française le peloton d'exécution. Depuis avril 2000, date de la fin de l'affaire Eliane González, je ne suis pas retourné à Cuba. Tous les confrères ayant eu un jour à travailler sur la question cubaine s'accorderont volontiers sur un point, le journalisme est, sur l'île du docteur Castro, un art minimaliste. En ces temps troublés, où la santé de ce dernier est peut-être l'un des secrets d'État les mieux gardés au monde, les autorités de la Havane distillent au compte-gouttes les autorisations de travailler sur place, comme s'il s'agissait d'orchestrer les silences de la population devant le vide laissé par la vacance du pouvoir du charismatique commandant en chef à son frère, le numéro 2 du régime, Raoul Castro. Il est peut-être temps, au moment où semblent avoir sonné les dernières heures de l'immuable figure incarnant ce régime, de revenir sur la façon dont ce dernier a su, dès le début, détourner une lutte à son profit. Pedro Corso, vous avez créé l'Institut de la mémoire historique cubaine contre le totalitarisme. Est-ce à dire que vous considérez qu'il est important de conserver justement cette mémoire-là, ceux qui s'en vont aller, peut-être même avant, ou ceux qui ont déjà disparu avant la figure de Fidel Castro? Est-ce que l'histoire cubaine de ces 50 dernières années doit s'écrire depuis Miami? Je crois que la historia de Cuba, hay que escribirla desde Cuba. Je crois que l'histoire de Cuba, il faut l'écrire depuis Cuba. Le problème, c'est qu'à Cuba, il n'y a pas de liberté pour l'écrire. Nous qui sommes à l'extérieur, nous avons le devoir de l'écrire. Bien entendu, pour pouvoir l'écrire, nous recevons des informations de Cuba, car il reste à l'intérieur du pays des combattants des années 60 et des combattants d'aujourd'hui. Pour pouvoir recoger la verdad de la historia. Ce sont eux qui nous adressent leurs informations, leurs témoignages. Le problème, c'est comme il n'y a pas de liberté pour pouvoir recueillir la vérité de l'histoire, pour pouvoir démontrer les crimes économiques, moraux, judiciaires et humains qui ont été commis par le régime totalitaire, il nous faut le faire de l'extérieur. Pour que ne le répète nuevamente, pour que nunca más un cubano vuelva a pedir paredón para otro ciudadano. Ce qui est important, selon moi, c'est que le peuple cubain regarde en arrière et observe les erreurs qui ont été commises pour ne pas les reproduire une nouvelle fois, pour que, plus jamais, un Cubain ne réclame un poteau d'exécution pour un autre citoyen, pour que, plus jamais, un Cubain ne réclame la prison pour un autre citoyen. Je plaide pour un peuple cubain tolérant, compréhensif, ouvert au dialogue, à la discussion, à la négociation, et qui veuille résoudre les problèmes par les urnes. Comme cela se fait en France. Ce sont les extrémistes qui résolvent les problèmes par la violence. Et nous avons pour cela un élément important. Tout le secteur du peuple cubain qui s'est exilé. Un grand nombre de ceux qui se trouvent à l'étranger sont partis de Cuba après avoir combattu, après avoir passé des années en prison, comme c'est mon cas. Mais j'ai passé plusieurs années en prison. Je suis parti de Cuba pour lutter dans la mesure du possible. Partir de Cuba, avoir l'opportunité de partir, n'était tout bonnement qu'un nouvel objectif, celui de continuer le combat par d'autres moyens. Pourquoi ? Parce qu'ici, à l'étranger, nous avons trouvé un exil consacré au combat. La presse internationale évoque très souvent la persévérance, la constance du régime totalitaire cubain, mais ce que la presse internationale n'évoque pas, c'est la constance, la persévérance et l'intégrité de l'opposition politique cubaine, celle qui se trouve dans et hors de l'île. Si Fidel Castro est au pouvoir depuis 47 ans, s'il existe un régime totalitaire à Cuba depuis, ce qu'il est juste de dire, de ne pas oublier, c'est qu'il y a une partie du peuple cubain qui, dans l'île et à l'étranger, n'a jamais accepté. Ils prétendent nous vendre, nous montrer au monde comme une bande d'éléments associés à l'ancien régime. Comme le disait dernièrement un de mes amis, si le régime cubain présidé par Batista avait eu autant de sympathisants, Fidel Castro n'aurait jamais gagné. Parce que c'est très facile pour le régime totalitaire cubain de dénigrer, de discréditer, de dire du mal de nous. Mais nous invitons les journalistes, les chercheurs, les enseignants, s'ils veulent connaître la vérité, à fouiller dans l'histoire. Qu'ils voient qui sont ceux qui ont fait partie de l'opposition au régime totalitaire. De la opposition au régime totalitaire. Entre El Cuadra, beaucoup de gens vous connaissent parce que vous êtes poète et aussi ancien prisonnier politique à Cuba. À Cuba, justement, où vous êtes né, en quelle année ? En 1931. 1931. Juste cinq ans après la naissance de celui qu'on appelle le Caballo, Fidel Castro. J'aurais pas dû l'évoquer ce nom-là. Non, vous pouvez le dire. Après tout, El Caballo, le cheval, c'est un animal. D'où venait ce surnom d'ailleurs qu'on lui a donné, le cheval El Caballo de Biran? Biran, c'était le village de naissance dans l'Oriente, la province de l'Oriente de Fidel Castro. Ça venait d'où ça? Parece que como... Il semble que ceux qui étaient à ses côtés voyaient en lui le numéro un du pouvoir. Dans la loterie nationale, où il y avait un animal assigné à chaque numéro, le numéro un était le cheval. D'autres sobriquets ont circulé autour de celui qui est devenu le leader Maximo. Il y en a qui vous viennent à l'esprit? El pueblo nuestro es... Notre peuple possède une imagination très riche. C'est pour ça qu'on utilise souvent toutes sortes de sobriquets. Il y en a qui lui disaient « la brute de Biran » parce qu'il était né dans ce village. Mais au fond, les surnoms sont une manière de se moquer de quelqu'un. C'est une pesadilla en esa ciudad. Pire qu'à Paris. Monsieur Héros, enchanté de faire votre connaissance. À votre service. À votre service. Pedro de Céspedes, à votre service, c'est moins agressif qu'est à sus órdenes, à vos ordres. Non, c'est très courtois. Mais vous voyez à quoi je fais référence. À sus órdenes. À sus órdenes. À sus órdenes, c'est un militaire. Et si je disais à sus órdenes, évidemment, c'est pour évoquer la phraséologie castriste. C'est une parole que l'on entend beaucoup. Commandant d'ordonner. Commandant de quoi? Il n'a jamais été en bataille. Il ne sait pas qu'est-ce qu'une bataille. Un prêcheur de fausseté. C'est dressé comme un officier, comme un combattant qui n'a jamais combattu. Mais c'est type, c'est un tromperie. Cet homme. Fidel Castro, je prononce son nom. Cet homme, c'est une montre très grande pour ce... On dit aussi que c'est un grand homme. On dit que c'est un des derniers grands hommes politiques. Je vais vous agacer, Pedro de Céspedes. C'est le plus long règne de l'histoire dans les chefs d'État régnants sur la planète. Il les a tous dépassés. Tous les peuples qui sont vraies nations ont une histoire qui n'est pas un mensonge. Et les peuples cubains ont une histoire... avait une histoire comme peuple cubain, au moins 138 années. Et tout ce qu'on écoute quand ces gens parlent, c'est la négation de ces 138 ans. La chose importante, alors, Andrel, c'est peut-être de pouvoir parler avec vous de cette Cuba d'avant la révolution que vous avez connue. Une Cuba que l'on dit souvent, quand on observe la communauté cubaine de Miami, être sublimée, mythifiée, comme s'il s'agissait d'évoquer quelque chose qui appartenait à une mythologie. À quoi ressemblait la Havane de ces années-là ? Todas las cosas son más hermosas cuando las perdemos. Toutes les choses sont plus belles quand on les a perdues. Pero realmente, mais vraiment, La Havane es una ciudad, La Havane est une ville qui possède de la magie. Magia. C'est ou c'était? C'est. La Havane n'a pas pour dire tu saboté. Non. Los otros somos quizás la comunidad. Nous sommes sans doute la communauté qui s'accroche le plus à son passé. A su pasado. El gobierno de Castro ha querido. Le gouvernement de Castro a voulu effacer tout ce que le passé avait fait de bon. Él ha hecho lo que decía el escritor Milán Kundera. Il a fait ce que l'écrivain Milan Kundera disait que l'on fait lorsque l'on cherche à liquider une nation. La primera cosa es. D'abord, lui effacer la mémoire. La memoria. Ensuite, lui ôter ses livres. Quitar sus libros. Puis lui changer son histoire. Cambiarles la historia. Entonces, la nación comienza. La nation commence alors à oublier ce qu'elle est et ce qu'elle a été. Y luego vienen otra gente y les escribe. Puis viennent d'autres gens qui lui écrivent d'autres livres. Lui donnent une autre culture et lui inventent une autre histoire. Otra historia. Ese es tristemente. C'est ce qui s'est tristement produit à Cuba. En Cuba. Soy una mujer que canta para mitigar las penas de las horas vividas y perdidas. Me queda solo esto. Mira, fundamentalmente. Écoutez, La Havane era una ciudad. La Havane était fondamentalement une Había ville joyeuse. Buen movimiento cultural. Il y avait une grande activité, por ejemplo, culturelle. Yo hice muchas, par exemple, actividades, j'ai eu beaucoup teatrales. D'activités théâtrales. En La Havane habían 12 o 14. Il y avait à La Havane 12 ou 14 salles de théâtre. En La Havane habían 8 ou 9 quotidiens. 8, 9 o 10 periódicos diarios. En La Havane había des dizaines et des dizaines de cinémas. Decenas y decenas de cines. Habían tertulias de poetas. Il y avait des réunions de poètes, des concerts, des expositions de peinture. Expositions de pintura. Et chacun avait la liberté de faire et de dire ce qu'il voulait. Y de decir lo que quisiera. Usted podía publicar. On pouvait publier n'importe quel livre que usted quisiera publicar. Usted podía criticar. On pouvait critiquer le gouvernement et ses fonctionnaires. Usted tenía el derecho. On avait le droit d'entrer et de sortir du pays quand bon nous semblait. Cuando usted quisiera. Habían cosas malas. Pero si il y avait certes de mauvaises choses. Lo malo, mais si on met sur une balance bueno, les bonnes et les mauvaises choses, il y avait bueno, plus de bons que de mauvais. Incluso. La capacidad adquisitiva, même le pouvoir d'achat. Le revenu moyen des Cubains était l'un des plus élevés de l'Amérique latine. Era uno de los más altos en América Latina. Había errores en los gobernantes. Le gouvernement commettait des erreurs. Gobernantes que sí habían. Certains dirigeants s'étaient appropriés des fonds publics. C'est vrai. Pero mucho menos. Mais beaucoup moins que dans la plupart des pays d'Amérique latine. Nous, les étudiants de l'Université de La Havane, au moment du coup d'État de Batista, nous avons été les premiers à nous opposer à ce gouvernement. Nous étions en 1952. Oui, 1952. mucho antes que Fidel Castro. Bien avant que Fidel Castro fasse son célèbre assaut à la caserne Moncada. Mais quand je disais qu'il y avait de bonnes choses avant le triomphe de la Révolution, je ne faisais pas allusion au gouvernement de Batista, auquel j'étais opposé. Lincoln Díaz-Balart, on est ici dans votre bureau du Parti Républicain, élu depuis 1992, ici dans ce 21e district de la Floride. Vous êtes un petit-neveu de celle qui fut la première femme de Fidel Castro, Mirta Díaz-Balart. Ce qui est intéressant de voir, puisque votre père était quelqu'un très proche du pouvoir de Batista, c'est ce que vous avez envie de nous dire de cette époque-là. Mon père et Fidel Castro sont arrivés à l'université en 1945. Nos deux familles viennent chacune de la province de l'Orient. Quelques années après, la plus petite sœur de mon père arrive à l'université à son tour. Fidel Castro était alors le meilleur ami de mon père. Ils étaient toujours ensemble. Elle a donc rencontré le meilleur ami de mon père et ils tombèrent amoureux. Et un jour, Mirta dit à son frère, « Mon père donc, j'ai décidé d'épouser ton ami, Fidel. » La réaction de mon père a été de lui dire, « C'est ta décision, mais... réalises-tu seulement que, à ce moment précis, il peut te charmer, même t'acheter un très beau manteau. Il a beaucoup d'argent. Son père est très riche. Il peut même t'offrir un vison. Mais 10 minutes plus tard, il est capable de te jeter par la fenêtre. » Et elle lui a répondu, « Mais oui, je sais. Il est fou, mais je l'aime. » Bien, c'est ta décision. Enfin, peu importe. Ce qui est important dans tout cela, c'est que Fidel Castro a demandé à mon frère qu'il lui organise une rencontre avec Batista, car Batista était alors à la tête des forces armées. Et ce que Fidel voulait, c'est qu'il planifie un coup d'État. Ils se rencontrèrent donc en 1950, et Batista refusa de laisser aller Fidel Castro dans cette direction. Tout simplement parce que Batista était garant de la Constitution de 1940 et à ce moment-là, il ne songeait pas à faire un coup d'État. Alors Fidel Castro dit à mon frère, je ne vais pas suivre Batista et rejoindre son mouvement car Batista ne gagnera pas les élections de 1952. Tu perds ton temps. Moi, je vais rejoindre Chivas et le Parti Ortodoxo. Et nous allons avoir plus de députés élus au Parlement que vous. Et donc, je serai député avant toi. Mon père lui a répondu, « D'accord, tu as probablement raison, mais moi, je pense que Chivas n'est pas mentalement très équilibré. Le fait est que Fidel a donc rejoint Chivas, et mon père a formé le mouvement de la jeunesse du parti de Batista. Maintenant, nous connaissons l'histoire. Nous savons ce qu'a fini par faire Batista. » Provoquer un coup d'État plus tard, en 1952. Et à cette date, lorsque mon père a fait partie du gouvernement de Batista, il a réclamé la tenue d'élections, et cela tout de suite, dès le début, alors qu'il était le chef du mouvement de la jeunesse. De son côté, Castro, on le sait tous, a formé son propre mouvement politique, baptisé le 26 juillet, en souvenir de la date de l'attaque de la caserne de la Moncada, le 26 juillet 53. Et c'est à partir de cette époque qu'ils sont devenus ennemis. Parler de l'année 1959 ici, à Miami, c'est quelque chose qui se fait souvent. Mario Martinez, où étiez-vous en 1959? Que faisiez-vous? Déjame empezar por el año 52 cuando el gobierno constitucional. Laissez-moi commencer par l'année 1952 quand le gouvernement constitutionnel a été écrasé par le dictateur Batista. Cette année-là, j'avais 10 ans. J'étais un gosse, j'allais à la plage, je faisais du vélo, je jouais au ballon. C'est dire que je me fichais totalement de tout ça. Mais durant les 7 ans de dictature de Batista, j'ai commencé à percevoir l'immoralité qui existait dans le gouvernement. J'ai commencé à étudier, à comprendre, à sentir que Batista n'était pas bon pour Cuba. J'étais étudiant dans une école privée où on parlait beaucoup de moralité et de démocratie. Mais quand je sortais dans la rue, je voyais les désastres causés par Batista pour la démocratie. On appelait ça de la démocratie, mais tout était acheté ou pouvait être acheté. Dans votre famille, Mario, qu'est-ce qu'il se disait? On disait que Batista était mauvais. C'est ce que l'on pensait chez moi. En 1959, j'étais un peu plus vieux, j'avais déjà 17 ans. C'est à ce moment-là que le gouvernement du dictateur Batista est balayé et que Castro arrive. Je ne sais pas si vous savez bien cela. Dans cette lutte contre Batista, il y avait au moins deux ou trois groupes qui le combattaient. Le Front universitaire dans la montagne de l'Escambray et principalement Fidel dans la Sierra Maestra. Le 1er janvier, à la chute de Batista, les premières personnes qui étaient sur le front de l'Escambray sont venues à la Havane et ils ont occupé beaucoup de bâtiments officiels. Fidel a été très intelligent parce qu'il a mis 8 jours à parcourir un chemin d'environ 1000 km, presque 100 km par jour. Il est descendu des montagnes avec environ 700 personnes et il s'arrêtait à chaque village. Il prenait du monde et encore du monde. Il est parti de Santiago avec 700 personnes pour arriver à La Havane à plus de 10 000. Ce que Castro a fait de plus génial pour accéder au pouvoir n'a pas été la guérilla, mais de ne pas être venu à La Havane le 1er janvier. Car s'il avait voulu entrer à La Havane ce 1er janvier 59, il n'aurait jamais pu y accéder. Il a entrepris une marche depuis Santiago de Cuba jusqu'à La Havane en rassemblant le peuple derrière lui pour pouvoir arriver à la capitale avec une force qu'il n'avait pas jusque-là, pour que personne ne puisse remettre en cause le fait qu'il avait le droit d'exercer le pouvoir, au moins pour un temps. Alfredo Durán était encore présent à La Havane lors de l'entrée de la colonne de Fidel Castro le 7 janvier 59, mais pas pour longtemps, car le fils de celui qui présidait alors le Sénat de Cuba et qui avait reçu la lettre de démission du dictateur Batista pendant la nuit réveillonnaire du 31 décembre 58, allait devoir, à son tour, fuir l'île des Barbus. Il rejoint aussitôt les forces contre-révolutionnaires entraînées par la CIA et participe, le 17 avril 61, au débarquement de la baie des Cochons. Sa vie de farouche opposant, proche de la figure du Barbouze, préparant toutes sortes de coups bas contre le régime depuis les côtes de Floride, bascule à la chute du mur de Berlin en 1989, lorsqu'il se rend compte qu'il fallait maintenant changer d'attitude envers le régime castriste parvenu à survivre à la décomposition du bloc de l'Est. Il devient, au sein de la communauté, l'un des premiers partisans du dialogue, un dialogueros dont les opinions contrastent avec la majorité de l'exil historique. J'en profite dans son luxueux bureau d'avocat de Biscayne Boulevard pour lui demander s'il est exact que Fidel, originaire de la province de l'Oriente, a toujours détesté La Havane. Eh bien, je pense que la haine de Fidel pour La Havane a été montée pour le peuple parce qu'il a quitté son village natal de Birán, dans la province de l'Oriente, sans jamais y retourner. En réalité, Fidel a profité et adoré La Havane. Elle a été sa scène politique. C'est là qu'il a grandi en tant qu'homme politique et où il a développé sa plateforme politique. Je n'ai jamais dit que Fidel ait pu être un idiot. Selon moi, Fidel est génial. C'est l'un des hommes politiques les plus habiles, les plus rusés et les plus intelligents de l'Amérique. Tout président latino-américain confondu. Fidel est un génie cubain. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas fait beaucoup de choses répréhensibles, comme ne jamais accorder aucun droit civique aux Cubains, pour chasser l'opposition politique, empêcher les élections, empêcher le développement d'une société libre et économiquement plausible qui puisse donner de l'espoir à ses citoyens et améliorer le sort du peuple cubain. Quand on écrira l'histoire de Fidel Castro, l'analyse qu'on en fera, en dehors du constat d'une politique interne effroyable pour le pays, c'est qu'il est indiscutable qu'on le considérera comme un individu qui a su utiliser d'une façon brillante la politique internationale pour demeurer au pouvoir. Et cela n'est pas facile. Le jeune étudiant militant et luttant contre la dictature de Batista, quand il voit rentrer les forces rebelles à La Havane dans cette première semaine du mois de janvier 1959, Quelle est sa réaction ? Participe à l'élan, à l'enthousiasme populaire aussi, Ramon Bonacher ? On participait tous à la joie générale du peuple cubain. On avait réussi à triompher sur la base qui énonçait qu'une fois que la révolution gagnerait, on restituerait la constitution de 1940. On célébrerait des élections au bout de 18 mois. Mais au bout de 18 mois, Fidel a fait un discours au palais présidentiel où il disait des élections, pourquoi faire ? Un discours où il annonçait qu'il n'y en aurait pas. Et en même temps, on assistait à des exécutions quotidiennes, souvent sans procès, injustement. Alors, un grand nombre de ceux qui avaient fait la révolution ont commencé à organiser un appareil de lutte clandestine contre le régime. Sans nous rendre compte que c'était un scénario maintenant totalement différent, car il avait l'appui du KGB, de l'Union soviétique. Tandis que nous pensions lutter contre une dictature latino-américaine, nous luttions en réalité contre un appareil, fort de l'expérience de l'ancienne Europe, ce qui était tout à fait différent. Quand on dit révolution cubaine, lorsque l'on dit révolution cubaine, il faut se reporter à ceci. Différents groupes qui avaient combattu le gouvernement de Fulgencio Batista. On avait passé un accord pour ce qui devait être fait une fois que la révolution aurait triomphé. L'engagement envers le peuple cubain, une fois que la révolution aurait été achevée, était le suivant. Restitution de la Constitution de 1940. Un gouvernement provisoire d'un an et demi, composé par des membres de toutes les organisations ayant pris part au combat. Des élections générales en accord avec le code électoral de 1943. Liberté de la presse, liberté d'expression, liberté des partis politiques, retour à la démocratie, et des réformes sociales. C'était cela, la révolution cubaine. Nous n'avons pas lutté à Cuba pour établir un régime pro-soviétique marxiste-léniniste. Mais comme Castro était tenu de respecter cet engagement, et qu'il ne l'a pas fait en installant un régime totalitaire communiste, nous affirmons donc que Fidel Castro a été le grand traître de la révolution cubaine. Cinq colonnes à la une, 2 septembre 1960. Voici des images qui viennent de stupéfier les États-Unis. En les voyant à la télévision la semaine dernière, les Américains ont découvert avec stupeur que Cuba était devenu un pays en armes comparable, disait le commentateur, aux communes chinoises. Des milices groupent les civils suivant leur profession. Voici la milice des journalistes. La milice des industriels, plus replète. Est-il besoin de le dire, il est obligatoire d'être milicien. Et le mauvais Cubain, qui essaie de se dérober, perd sa place, quelle qu'elle soit. Alors il s'est fait nommer chef de tout, et il a dit aux gens, des armes pour quoi faire ? Rendez-nous vos armes. Peu de temps après, il a dit, des élections pour quoi faire ? Le peuple me réclame ici. Mais revenons un peu en arrière, parce que moi j'étais fou de liberté, amoureux du processus révolutionnaire, et j'avais intégré l'armée de Fidel. J'y adhérais, j'étais très très attaché à ce que nous étions en train de réaliser. Mais peu à peu, mon cœur s'est brisé, pour plein de raisons. L'une des raisons qui m'a brisé le cœur, par exemple, quelques mois après être rentré dans l'armée, a été ces cours qu'ils ont donnés, que j'appelle des cours d'endoctrinement, dans lesquels le professeur disait aux gars de l'armée rebelle que la révolution avait été faite pour les pauvres et uniquement par les paysans de l'Oriente. Je crois que je n'ai pas suivi plus d'un cours de cet enseignement parce que j'ai levé la main et commencé à dire « Et un tel qui est mort à La Havane à l'université, et un tel qui a été tué à l'université, et encore un tel mort à l'université. » Le chef de la caserne où j'étais, le capitaine Fernandez, aujourd'hui membre du Parti communiste, m'a appelé et m'a dit « Mario, tu sais beaucoup de choses, tu n'as pas besoin de ces cours. Tu as un niveau quasi universitaire. » Ce qui m'a aussi brisé le cœur, ça a été quand Castro a dit « Des élections, pour quoi faire ?» Il avait promis que des élections auraient lieu dans les 18 mois, et ça, je n'ai pas pu le digérer. Ce jour-là, j'ai passé 24 heures à pleurer. Je garde toujours de ce 1er janvier 1959 le souvenir d'être allé à la caserne militaire de Sania à la Grande. Nous étions tout un groupe appartenant à la section étudiante du 26 juillet et en arrivant là-bas, l'armée s'est rendue alors que nous n'avions pas d'armes ni rien. Autant dire qu'à ce moment-là, les militaires étaient découragés. Ils voulaient seulement rentrer chez eux et ne rien avoir à faire dans tout ça. Beaucoup de gens d'ailleurs, Juan Manuel Salvat, ici quelques-uns, ceux qui appartiennent à l'exil historique, comme vous, on va parler de cette génération-là, reproche beaucoup aux militaires une certaine forme de trahison aussi, avec le recul. Vous, jeune étudiante d'à peine 20 ans, quand, à partir de quel moment, Juan Manuel Salvat, il va y avoir de la défiance de votre côté? À partir de quel moment vous allez comprendre? Notre première action a été de rouvrir les portes de l'université de La Havane et de reprendre les cours. Dès cette époque, nous avons vu qu'il existait le risque d'un possible contrôle de la situation à Cuba de la part des communistes. À tel point qu'on s'est proposé de donner des cours aux rebelles qui arrivaient de la Sierra. Mais ça n'a duré que très peu de temps, parce que très vite, on nous en a empêchés. Ce sont les membres du parti qui ont donné les cours, sans nous donner aucune justification. On a donc commencé à lutter au sein de l'université, en croyant encore que la révolution n'était pas communiste, mais en pensant que ce secteur pouvait encore échapper aux mains des communistes. Vous êtes vite rendu compte alors, pour reprendre une de vos expressions, que seulement les uniformes avaient changé de couleur. Oui, dès la fin de 1959, on a aperçu le danger. La confrontation a eu lieu début 1960. En février 1960, on reçoit la visite de Anastas Mikoyan, alors vice-premier ministre de l'Union soviétique. En l'apprenant et en prenant conscience que Mikoyan avait été le principal responsable du massacre en Hongrie, nous sommes allés au parc central pour y déposer une couronne de fleurs en forme de drapeau cubain, en désaccord avec la couronne en forme de faucille et de marteau apportée par Mikoyan. Et ceci en février 1960, on peut dire que c'était presque la première manifestation, non pas contre la révolution, mais une manifestation montrant une défiance. On était environ 200 étudiants à nous rendre là-bas avec des pancartes et la couronne, et nos pancartes avaient encore dessus « Vive la révolution, à bas le communisme ». C'est-à-dire que nous pensions encore que le gouvernement révolutionnaire n'était pas encore totalement contrôlé par les communistes. Mais la police nous attendait à notre arrivée au parc central et les organes déjà répressifs du gouvernement ont cogné sur les étudiants. Certains d'entre nous ont été mis en prison. Deux d'entre nous sont allés à la sécurité de l'État. C'est vraiment là qu'on a compris qu'en effet, le gouvernement était déjà sous le contrôle des communistes. 7 jours du monde, ORTF, 10 mai 1963. Comment vous appelez-vous ? Graciela Blondel. Vous êtes cubaine ? Oui, bien sûr. Et est-ce que vous êtes fidéliste ? Oui, évidemment. Je suis même milicienne et je fais partie aussi des comités de défense de la Révolution. Ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'être milicienne et qu'est-ce que faire partie d'un comité de défense de la Révolution ? Bien, être milicienne, c'est faire partie de l'armée populaire ici et qui est prête à défendre la patrie en moment de danger et à surveiller aussi... Des gusanos, c'est comme ça qu'on les appelle ici, les mercenaires. Oui, les mercenaires. Les gusanos. Oui. On dit que des gusanos commettent des attentats, font des exactions contre des écoles, attaquent des miliciens, des miliciennes. Oui, bien sûr, il y en a eu même ici aussi à La Havane. Il y a eu des attaques, évidemment, contre les miliciens qui ont gardé certains centres de travail. Et évidemment, à la campagne, il y a des groupes d'insurgés. Tout le monde le reconnaît ici, nous savons, nous luttons contre eux, nous les combattons. Ce sont des gens qui s'insurgent et qui sont surtout poussés à ça ils ont une grande aide financière par l'Agence centrale d'intelligence. Dans l'ombre protectrice de son taxi derrière son pare-brise, ce chauffeur voit les choses de façon différente. Eh bien non, je ne suis pas du tout content de Fidel, car il n'a aucunement réalisé ce qu'il avait promis. Il nous avait dit, à nous qui avions lutté à ses côtés, que la révolution était démocratique. Nous sommes maintenant convaincus que ce n'était pas vrai, qu'il ne s'agit pas d'une révolution démocratique, et pour cette raison, nous nous sommes complètement séparés de Fidel. Mais Cuba vit pour une large part à leurs militaires. Lettre de démission de Hubert Matos. Camagüey, octubre 19 de 1959. Camagüey, le 19 octobre 1959. Camarade Fidel, j'ai envoyé aujourd'hui au chef de l'état-major par voie officielle un télégramme concernant ma démission de l'armée rebelle. Je suis convaincu que cette affaire te sera soumise et j'estime qu'il est de mon devoir de t'informer des raisons qui m'ont poussé à solliciter ma révocation de l'armée. Je vais t'exposer point par point les conclusions suivantes. Premièrement, je ne veux pas devenir un obstacle à la révolution et je crois que devant choisir entre m'adapter ou me retirer pour ne pas causer de dommages, l'option la plus digne et la plus révolutionnaire est de démissionner. Deuxièmement, après avoir pris connaissance de certains de tes commentaires, je ne peux décemment que renoncer à toute responsabilité dans les rangs révolutionnaires. Même si tu n'as pas mentionné mon nom, tu m'avais présent à l'esprit. Je pense également, au vu de certains changements, dont le remplacement de Duque, que toute personne qui a eu la franchise de parler avec toi du problème communiste doit s'en aller avant d'être renvoyée. Troisièmement, je ne conçois le triomphe de la révolution qu'en pouvant compter sur un peuple uni, disposé à supporter les plus grands sacrifices, car 1000 difficultés économiques et politiques se profilent à l'horizon. Or, ce peuple soudé et combatif, on l'obtient ou on le soutient en se fondant sur un programme qui rencontre pareillement ses intérêts ou ses sentiments, et sur des dirigeants qui saisissent la problématique cubaine dans sa juste dimension, et non comme une question de tendance ou de rivalité de groupe. Si l'on veut que triomphe la révolution, il faut que l'on nous dise vers où nous allons et comment nous y allons. Il faut qu'on écoute moins les ragots et les intrigues. Et il ne faut pas qu'on qualifie de réactionnaire ou de conjuré celui qui soulève ces questions en toute honnêteté. Et il est bon de se rappeler que les grands hommes commencent à décliner quand ils cessent d'être justes. Je veux aussi que tu comprennes que cette détermination, dûment réfléchie, est irrévocable. C'est pourquoi je te demande, non en tant que commandant Hubert Matos, mais comme un simple camarade de la Sierra, tu te souviens, l'un de ceux qui étaient prêts à mourir en exécutant tes ordres, que tu accèdes à ma requête le plus tôt possible, me permettant de retourner chez moi avec un statut de civil, sans que mes fils aient à apprendre ensuite par la rue que leur père est un déserteur ou un traître. Je souhaite tous les succès pour toi, pour tes projets et tes désirs de révolutionnaire, et pour la patrie. Désir et devoir de tous. Bien à toi, ton camarade, Hubert Matos. Cette lettre, Hubert Matos, que vous envoyez à Fidel Castro, aux côtés duquel vous avez lutté, vous étiez l'un des commandants, peut-être un peu moins connu ici, à l'étranger, que le Che ou Camilo Cienfuegos est l'un des trois grandes figures majeures aux côtés de Fidel Castro dans le mouvement du 26 juillet. Comment va-t-il la recevoir? Quelle va être sa réaction? Lo de él fue de haberse incomodado y haber dicho lo voy a aplastar. Il s'est dit je vais l'écraser. Porque ya él había recibido una carta mía. Il avait déjà reçu une lettre de démission de ma part vers le mois de juillet. Esta es la segunda carta que yo le. Ça c'est la deuxième lettre que je lui ai envoyée. A mediados de año en julio. Je crois que la première lettre de démission était du 19 juillet. Et elle avait les mêmes raisons. Por las mismas razones. Diciendo, la revolución se está apartando. Je lui disais, la révolution est en train de s'écarter de son programme d'origine. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça va être une catastrophe. Et je n'adhère pas. Je ne m'identifie pas à quelque chose qui puisse s'éloigner de l'engagement pris devant le peuple de Cuba et devant l'histoire. On s'est vu une semaine après. Il m'a convoqué dans une suite qu'il avait à l'hôtel Hilton de la Havane. Et nous avons pu discuter au sujet de la lettre, la première lettre. Il m'a dit, tu n'as aucune raison de démissionner. La révolution va accomplir son programme, tel qu'il a été dit devant le peuple et l'histoire. On a fait une révolution pour rétablir un système démocratique, pour mener des réformes économiques, sociales, mais compatibles avec l'état de droit, c'est-à-dire avec la démocratie représentative. Il a dit alors, Raoul et le Che se pavanent par là avec des airs de conspirateurs. Mais tu sais que je suis le chef de la révolution. Ils ne vont pas me détourner de cette révolution comme ils aimeraient. Toi, tu ne peux pas m'abandonner. Il y a plusieurs commandants, mais tu sais que la plupart ont servi pour combattre, mais qu'ils n'ont pas de talent politique. Toi, si, tu l'as. Tu es quelqu'un qui est nécessaire au sommet du mouvement. Toi, tu es l'un des principaux. Dans leur hiérarchie, tu es le troisième homme. Tu ne peux pas me laisser tomber. Je dis, bon, d'accord, je vais continuer à travailler, mais si je vois que ça continue à dévier, ne compte plus sur moi. Que saviez-vous, Hubert Matos, au moment où vous présentez d'ailleurs pour la seconde fois cette démission, qu'aviez-vous déjà découvert de sa personnalité? J'étais alors convaincu que c'était un tricheur, qu'il avait les mains sales, qu'il était intéressé par le pouvoir à vie, en s'alliant aux communistes. D'une certaine manière, il était en train de devenir un dictateur. Il avait supprimé le Premier ministre, le président, pour le remplacer par un autre, qui était une marionnette. Je voyais donc un individu qui voulait dominer complètement le pouvoir. Dès le début de l'année, j'ai été en désaccord avec Fidel et Raoul sur la manière par laquelle ils appliquaient les procès révolutionnaires, parce qu'il me semblait que c'était une façon d'instaurer une terreur depuis le pouvoir. Les procès révolutionnaires ont été très sévères. Il y a eu beaucoup d'exécutions. Et je me suis disputé avec eux, leur disant, on est en train d'instaurer la terreur avec cette affaire de justice révolutionnaire. Ça n'a aucun sens. On est en train de semer le doute dans le peuple, qui va penser que nous sommes des jacobins terribles. Fidel était très mécontent de ce genre de remarques. 11 janvier 1959. Allô, Paris, ici Philippe Viollet. Ce que je vais vous envoyer maintenant est une interview de Fidel Castro concernant la Suisse. C'est à envoyer, dès que vous pourrez, si vous êtes assez gentil pour le faire, à Radio Genève. Maintenant, je vous l'envoie. Allô Radio Genève, ici Philippe Viollet qui vous parle de la Havane, vous m'entendez? Je suis en ce moment dans un des endroits qui est probablement l'un des plus beaux du monde, en haut d'un grand hôtel, l'hôtel Hilton, qui domine tout Cuba. Devant moi, c'est le panorama de la ville sous le soleil, et j'aperçois la mer bleue, une mer immense, qui s'étend devant nous. Et juste devant moi, en face de moi, Fidel Castro. Fidel Castro, qui veut être appelé d'ailleurs le docteur Castro, et qui ne veut pas d'autre titre que son titre juridique. Je vais pouvoir maintenant lui poser quelques questions et lui demander une déclaration à l'attention des auditeurs de Radio Genève. Mais d'abord, je voudrais vous le décrire. Bien sûr, vous le savez, il est barbu. Mais ce n'est pas une barbe ordinaire, ce n'est pas une barbe comme les autres. Cette barbe noire est plus abondante sur les joues son menton et surtout ce qu'il a très caractéristique, c'est que dans ce beau visage basané, deux sourcils touffus barrent toute la face. Et des yeux souvent très doux, parfois aigus, et un sourire qui est... Alors écoute, c'est pas bon, alors je te le passe pas. S'il l'a encore, on peut le faire répéter si ça les intéresse. Que c'est vraiment mauvais. Hubert Mathos, sa capacité de séduction était incroyable, à la fois évidemment envers la majorité du peuple cubain à qui il offrait cette révolution, mais aussi était séduit bon nombre de journalistes qui étaient présents. À la fois, une image de Robin des Bois s'était construite lors de sa lutte sur la Sierra Maestra. Et puis on voit que Fidel Castro était capable même de se référer à certains interviews. J'ai en mémoire celui d'un journaliste de la télévision, de la radio suisse, était capable de se référer à la démocratie de ce petit pays de Suisse comme étant une démocratie modèle. Il a trompé tout le monde. Sí, parce qu'il a tenu el don artístico de la simulación. Oui, il a eu le don artistique de la simulation. En los gestos. Aussi bien dans ses mots que dans ses gestes. C'est un individu qui manipule les détails. Il faut le voir en privé. S'il doit recevoir quelqu'un, il se prépare. Et quand le personnage arrive, il est généralement dans la pose de celui qui est en train de réfléchir à je ne sais quel problème de la stratosphère. Et comme ça, quand la personne arrive, elle peut voir que Fidel Castro est un homme avec des pensées profondes. Il cherche la manière de dominer la scène et de se placer à un niveau très au-dessus de son interlocuteur. Ensuite, au bout d'un temps de conversation, il fait preuve d'une grande humilité pour finir de gagner la personne, n'est-ce pas? C'est l'art des relations publiques, la manipulation habile des relations humaines, d'homme à homme. En public, c'est pareil. Quand il descendait de la Sierra, il utilisait une sorte de rhétorique, de discours lancé vers le peuple. Et vous pensez quoi de ci? Que va-t-on faire de ça? Comme s'il n'avait pas déjà tout prévu. Un as de la politique, habile à l'extrême, pour que les gens croient qu'il fait ce que les gens veulent. S'il avait été un homme politique honnête, nous, les Cubains, et l'humanité entière, aurions dû l'applaudir avec vigueur. Mais le problème, c'est que c'est un tricheur, un sale type, sans scrupules, et criminel. Mais il est venu au monde avec une série de qualités pour effectuer à la perfection le travail d'homme politique. Mais comme il est sans scrupules, crapuleux et criminel, la trace qu'il laisse, c'est celle-là. Antonio Conte, c'est qui? Castro, c'est quoi? Bueno, es un dictador. C'est un dictateur. Bastante duro. Un dictateur assez impitoyable, je dirais. Sin piedad, yo diría. Fidel es un hombre impitoyable. Fidel est un homme dénué de pitié. La pitié qu'on a eue parfois à son égard, à ses débuts, disons après l'assaut de la caserne où il a été condamné à 13 ans de prison. Regardez la disproportion entre le fait d'attaquer une caserne où il y a eu des dizaines de morts des deux côtés. On le condamne à 13 ans et on le libère au bout de 20 mois, après des conditions d'emprisonnement comme celles qu'il avait, et il le dit lui-même dans ses lettres, c'est écrit. Je vis ici comme un bourgeois. J'ai eu aujourd'hui du homard. J'ai fumé à Monte Cristo. Et comparé à cela, quand on voit ce que Fidel peut infliger comme année de prison, par exemple, à un journaliste indépendant, pour le seul délit d'écrire, et qui plus est sur une machine déglinguée, et qu'il le condamne à 15, 20 ou 25 ans de prison, ça te donne la mesure de l'absence de pitié de Fidel Castro. C'est un homme sans pitié. C'est comme ça que je le qualifierais. Et un homme qui n'aime pas son peuple. Je pense qu'il n'aime pas son peuple. Parfois même il le méprise, me semble-t-il, d'après son comportement envers lui. Il faut avoir vécu à Cuba pour savoir ce que c'est. Cuba, une révolution confisquée. Fin. Traduction sur place, Sylvia Garcia Sierra. À Paris, Laura César, avec les voix de Nicolas Struve, Laurent Loderer, Stéphane Lindon et Didier Doué. Documentation, Christine Gage et Laure-Hélène Plancher. Mixage, Pierre Monteil. Une émission d'Alexandre Hérault, réalisée par Jean-Philippe Navarre. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez refaire l'histoire, bibliographie, lien, nous podcaster pour La Havane ou nous réécouter à Miami, eh bien c'est sur la page de la série documentaire sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter. Demain, troisième étape, Cuba par ceux qui s'en sont allés. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.